Now, I would like to give a blessing upon our yogis in short. J'aimerais à présent donner une courte bénédiction pour nos yogis. Sabbiti Adebondondrai Osukhi Dikayu Gopava Bivadana Siklesa Sabbe purendu sankappa janam panna rasoyata Ichidam pachidam yungisham khaipa meva sabbe jadu Sabbe purendu sankappa mani jyoti rasoyata Whatever you wish, be fulfilled very soon. Quoi que vous souhaitiez, puissiez-vous le réaliser très rapidement. Successful retreat. So it is very good. Comme je connais le centre de méditation des Dhammaramsi, je sais comment ça se passe là-bas avec les soins de Dhammadina. Je sais que tous les matins, les yogis rendent hommage au Bouddha, au Dhamma et au Sangha, qu'ils récitent les qualités du Bouddha, du Dhamma et du Sangha, qu'ils prennent les préceptes tous les jours, qu'ils rayonnent metta à l'intention de tous les êtres, et enfin qu'ils pratiquent vipassana. C'est pourquoi, sachant tout cela, je dis que cet instant est un instant heureux pour les yogis. Le Bouddha a déclaré que c'était un moment heureux maintenant, pour lui comme pour elle, et que ce sera aussi un moment heureux dans l'au-delà. Je pense que les yogis ont été très heureux de pratiquer le Bouddha Dhamma. Il y a trois sikkhas, c'est-à-dire trois pratiques, trois entraînements. Sila Sikkha, Samadhi Sikkha et Panya Sikkha. Sila Sikkha, c'est la moralité. Samadhi Sikkha, c'est la concentration. Panya Sikkha, c'est la méditation vipassana. Les yogis ont pratiqué les trois entraînements. En prenant les cinq préceptes et en soignant leurs actions physiques et verbales, ils entraînent la moralité, Sila. Lorsqu'ils pratiquent vipassana, en fait, ils ont besoin de la concentration. Il ne s'agit pas seulement de comprendre le corps et l'esprit, il faut que l'esprit soit concentré. Si l'esprit n'était pas concentré, en fait, on n'expérimenterait pas, on ne comprendrait pas la nature du corps et de l'esprit. Donc, en pratiquant Vipassana, on entraîne aussi Samadhi Sikkha. C'est ce que j'avais expliqué au début de la retraite. Il faut que les yogis prêtent attention à ce qui se passe aux six portes sensorielles. Et en s'appliquant à le faire, ils peuvent expérimenter ce qui se passe dans le corps et dans l'esprit. À ce moment-là, ils pratiquent Vipassana Sikkha ou Panya Sikkha. Cela fait une semaine que les yogis pratiquent à présent, et parfois ils peuvent se souvenir de la façon dont ils ont pris soin de leurs actions physiques et de leurs actions verbales. Lorsque les yogis prennent les préceptes, ils doivent faire attention à ce qu'ils disent et à ce qu'ils font. Ils ne peuvent pas tuer, ils ne peuvent pas voler, etc. S'ils ne prennent pas les préceptes, ils pourraient faire quelque chose de mal. Et donc, en réfléchissant à ça, en se disant j'ai Sila, ils se réjouissent, ils sont heureux. C'est pourquoi le Bouddha a dit Ida Modati. le yogi se réjouit à présent, maintenant. En même temps, quand ils méditent, les yogis prennent soin de leur esprit aussi. Ils ne laissent pas les pensées, les états d'esprit néfastes pénétrer. Ils notent l'objet présent et en notant l'objet présent, ils prennent soin de leur esprit. Et s'ils y repensent, s'ils se souviennent de cela, ils sont heureux, ils sont satisfaits. Ils se disent « J'ai entraîné mon esprit avec Sati. » Maintenant, la retraite est terminée, mais quand ils repensent à ce qu'ils ont fait, ils sont heureux, et c'est pourquoi le Bouddha a dit « Paccha modati », ils se réjouissent par la suite. « Ida modati », ils se réjouissent maintenant. « Paccha modati », ils se réjouissent ensuite. Sur la base des préceptes, les yogis pratiquent la méditation vipassana. Pendant une semaine, les yogis pourraient avoir fait de nombreuses expériences. Principalement, ils essayent de noter les mouvements de l'abdomen, le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. Ils peuvent voir pour eux-mêmes que ce n'est pas si facile de noter de façon continue. Pourquoi ? Parce qu'on travaille avec l'esprit et que l'esprit est extrêmement rapide et qu'il s'envole très très facilement. C'est pourquoi le Bouddha a dit « Tous les pratiquants devraient déployer des efforts ardents et en particulier déployer une énergie mentale. » Lorsqu'ils notent le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, les yogis doivent viser l'objet, ils doivent diriger l'esprit vers l'objet, ils doivent prêter une attention rapprochée à l'objet, autrement ils ne le verront pas clairement. En pali on dit atapa, l'effort ardent. Les yogis pratiquent donc conformément aux suggestions du Bouddha et ils essayent de prendre note du soulèvement et de l'abaissement du début à la fin. En le faisant, ils parviennent finalement à noter ce soulèvement et cet abaissement de façon rapprochée et à voir le mouvement vers le haut, le mouvement vers le bas, ou alors le gonflement et le dégonflement. Ils voient clairement. Si vous êtes en mesure de noter le soulèvement une fois, clairement, alors vous pouvez voir le mouvement vers le haut. Si vous pouvez voir ce mouvement, vous en tirez un grand bénéfice. Si vous pouvez voir le mouvement de l'abdomen vers le bas, vous en retirez un grand bénéfice. Pourquoi ? Parce que dans ce soulèvement se trouve le noble octuple sentier. Dans cet abaissement aussi se trouve le noble octuple sentier. Je viens de dire donc que le noble octuple sentier se trouvait dans le mouvement de soulèvement. Vous vous contentez de noter le mouvement de soulèvement comme soulèvement, de façon rapprochée. Et vous vous contentez de noter le mouvement d'abaissement comme abaissement, de façon rapprochée. Vous pouvez voir le mouvement et en même temps vous pouvez faire l'expérience du noble octuple sentier. Et à travers le noble octuple sentier, vous pouvez atteindre Nibbana. Comment faisons-nous l'expérience du noble octuple sentier dans le soulèvement? So, before you translate, I would like our yogis repeat after me the effort pass in Pali. Avant de traduire, j'aimerais bien que les yogis répètent après moi, donc en Pali, les 8 branches de l'octuple sentier. Madhiti. Samadhiti. Samasankappa. Samasankappa. Sammavacha. Sammavacha. Sammakamanta. Sammakamanta. Sammajiva. Sammajiva. Sammavayama. Sammavayama. Sammasati. Sammasati. Sammasamadhi. Sammasamadhi. Lorsque je donne un enseignement à Dhammaramsi, j'encourage toujours les yogis à répéter après moi, et maintenant aussi je le fais. Donc les huit branches de l'octuple sentier, du noble octuple sentier, d'abord Samadhiti, c'est la vue juste ou la compréhension juste, et Samasankappa, c'est la pensée juste ou l'intention juste, le fait de viser. Ces deux facteurs, ces deux branches appartiennent au groupe de Panya, de la sagesse. Ensuite, Samavacha, la parole juste, Samakamanta, l'action juste, Samaajiva, les moyens d'existence juste. Ces trois branches font partie de Sila, du groupe de la moralité. Et enfin, Samavayama, l'effort, l'énergie ou l'action juste, Samasati, l'attention juste, et Samasamadhi, la concentration juste. Ces trois branches font partie du groupe de Samadhi, de la concentration. Donc Sila, Samadhi, Panya, c'est les trois entraînements, les trois Sikas. Avant de pratiquer la méditation Vipassana, vous avez pris les cinq préceptes. Et vous avez donc Sila. Au moment de pratiquer, vous disposez de Sila. Vous disposez de la parole juste, Samavacha, parce que vous ne dites rien qui ne soit pas nécessaire. Vous ne parlez que de méditation ou de la façon dont il faut pratiquer avec l'instructeur. Vous avez aussi l'action juste, Samakamanta, puisque vous pratiquez la méditation assise et la méditation en marche, tout ça relève de l'action juste. Et aussi Samaajiva, les moyens d'existence juste, puisque vous ne faites rien de répréhensible, vous ne vendez rien, donc vous disposez du groupe de la moralité. Ensuite, vous pratiquez la méditation assise en vous basant sur le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. Quel que soit l'objet qui apparaît, vous en prenez note de façon diligente, et cet effort, c'est donc Samavayama, et vous en disposez. Vous essayez de vous souvenir chaque fois de tout objet qui apparaît aussi porte des sens. Vous pratiquez donc Samasati, l'attention juste. Et quand vous êtes en mesure de noter l'objet présent, de façon continue, votre esprit est concentré, il ne va nulle part, il reste sur seulement le soulèvement, au moment du soulèvement, et donc vous disposez aussi de Samasamadhi. Donc Virya, Sati, Samadhi, vous disposez du groupe de Samadhi. Lorsque vous prenez note du soulèvement, vous pouvez voir le mouvement, vous pouvez comprendre le mouvement vers le haut. Vous comprenez qu'à la fin du mouvement vers le haut, il cesse et qu'il laisse place au mouvement vers le bas. Vous notez alors le mouvement vers le bas et vous pouvez le voir réellement. Cela, c'est Samadhiti, la compréhension ou la vision juste. Oh, c'est le soulèvement. Vous voyez vraiment le soulèvement. Pourquoi prenez-vous note du soulèvement? Pourquoi prenez-vous note de l'abaissement? C'est parce que vous le voyez vraiment. Le mouvement de soulèvement et d'abaissement, chaque fois que nous en prenons note, une forme de compréhension va apparaître en nous, surtout si on parvient à le noter de façon rapprochée. De quelle façon? Nous remarquons qu'il n'y a que la prise de note et l'objet noté. La prise de notes, c'est l'esprit. L'objet noté, c'est la matière. L'esprit et la matière, il n'y a que ces deux choses. Ce type de compréhension émerge lorsque nous prenons note de cette façon. De cette façon, nous pouvons éliminer le concept. Avant de pratiquer Vipassana, nous pensions « ceci, c'est mon corps ». Or, ceci, c'est mon abdomen. Maintenant, nous pouvons voir qu'il n'y a pas d'abdomen, qu'il n'y a que la note mentale et l'objet noté. Ceci, c'est la compréhension juste. C'est la sagesse, panya. Ceci, c'est moi, ceci, c'est mon corps, je suis ceci. Ce type de concept ne relève pas de la compréhension juste. Le Bouddha a enseigné, sur la base de sa propre expérience, qu'il n'y avait que l'esprit et la matière. À présent, les yogis qui fournissent des efforts ardents, qui pratiquent de façon diligente, comprennent ce qu'a enseigné le Bouddha. Ils comprennent que la prise de note, c'est l'esprit, et que l'objet qui est noté, c'est la matière. En comprenant de cette façon, ils peuvent atteindre la paix éternelle, ils peuvent atteindre Nibbana. C'est pourquoi le Bouddha a enseigné et a encouragé les yogis à pratiquer. Yoga va chaite puri. Cela veut dire ce n'est pas par la parole, c'est par la pratique que l'on comprend. Donc la compréhension, panya, la sagesse, vient par la pratique de Vipassana. Je n'ai expliqué que le soulèvement et l'abaissement, mais c'est un exemple. Si vous parvenez à comprendre ce que j'ai expliqué sur le soulèvement et l'abaissement clairement, vous pourrez comprendre aussi les autres objets, vous pourrez comprendre qu'il en va de même pour tous les objets. Lorsque vous prenez note de la vision, de l'audition, de l'odorat, du goût, du toucher ou de la pensée, ça revient au même, c'est la même chose. C'est pourquoi le vénérable Mahasi Sayadaw a encouragé les yogis à noter l'objet primaire de façon rapprochée. De cette façon, lorsqu'ils auront bien établi leur esprit, ils ne prêteront plus attention à tous les autres objets, quels qu'ils soient, qui apparaissent aux six portes des sens, ou en tout cas ils ne s'inquiéteront pas à leur sujet. Ils doivent se préoccuper seulement du soulèvement et de l'abaissement. Il en va de même pour les autres objets que pour le soulèvement et l'abaissement, et ils ne doivent donc pas se préoccuper des autres objets qui apparaissent aux six portes des sens. Ensuite, Samasankappa, c'est la pensée juste. Lorsque l'on note de façon continue, qu'on observe le mouvement vers le haut et vers le bas de l'abdomen, un certain type de pensée va apparaître, parce qu'on devient capable de voir la nature changeante qui se produit de façon incessante, les objets qui changent les uns après les autres. Nous voyons le mouvement de soulèvement, et à la fin du soulèvement, il n'existe plus. Le mouvement d'abaissement commence, et puis à la fin de l'abaissement, il n'y a plus d'abaissement, c'est à nouveau le soulèvement. Nous voyons clairement ces changements se succéder les uns après les autres. Et un type de pensée apparaît en nous. Nous avons entendu l'enseignement du Bouddha à propos de l'impermanence, et maintenant on peut la voir par nous-mêmes. Le soulèvement et l'abaissement qui changent les uns après les autres. On se dit « Oh, c'est la nature du changement. Ces choses ont la nature du changement. Si on ne pratiquait pas Vipassana, on ne saurait pas cela. C'est ça le sens de Sammasankappa, la pensée juste. En voyant et en notant ce soulèvement et cet abaissement, encore et encore, de façon continue, il se peut que nous ressentions un sens de l'urgence en raison du changement auquel on assiste, ou une forme de ressenti déplaisant, c'est dukkha, le caractère insatisfaisant des choses. Il est possible que nous n'aimions pas cette expérience, mais nous continuons à noter. Et puis nous remarquons que ces choses se produisent d'elles-mêmes, sans que nous intervenions. Et donc nous comprenons les trois caractéristiques. Cette connaissance émerge en nous. Lorsque nous pratiquons Vipassana, nous devons vraiment comprendre ces trois caractéristiques. Nous devons comprendre Anicca, Dukkha et Anatta. Dukkha, le fait de se sentir insatisfait, une sorte de ressenti désagréable, et Anatta, le non-soi. Au plus nous pratiquons, au mieux nous pouvons comprendre, au plus clairement nous pouvons comprendre. Cela, c'est Samadhiti. Il y a une autre façon d'expliquer la pensée juste, Sammasankappa, qui est donnée par Sayado Upandita de Shutangon. Quel que soit l'objet dont nous prenons note, il faut que nous dirigions l'esprit, que nous visions l'objet. Il faut que nous prêtions une attention rapprochée à l'objet. Par exemple, lorsque nous notons le soulèvement et l'abaissement, il faut que l'esprit soit en plein sur l'abdomen, droit sur l'abdomen. Autrement, nous ne pouvons pas le voir clairement. C'est vrai, si nous ne dirigeons pas l'esprit vers l'objet, nous ne pouvons pas le voir clairement. C'est comme jouer aux fléchettes. Nous devons viser. Donc j'ai expliqué au début de cet enseignement comment les yogis avaient bénéficié de cette retraite simplement en notant le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. J'ai expliqué comment ils avaient pu expérimenter le noble octuple sentier en notant le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. Mais ils peuvent avoir fait beaucoup d'autres expériences encore, d'avoir expérimenté le dhamma de beaucoup d'autres façons encore. J'ai dit au début que les yogis étaient heureux maintenant de leur pratique, d'avoir pratiqué. Quand ils rentreront chez eux aussi, lorsqu'ils repenseront à ce qu'ils ont fait, la joie et le bonheur vont apparaître en eux. Ils se diront « Oh, j'ai pratiqué Vipassana au centre d'Amaramsi, j'y retournerai, maintenant il y a le coronavirus ». Je ne peux pas y aller, mais il y aura encore d'autres opportunités. Not only our yogis in Belgium are happy, me too, very happy, having good opportunity to give a talk from far away without our Siale Madhu Balini and Vivekananda's help. I could not have a chance to give a talk. So also have to be thankful to them as well. With their help, I have the good opportunity to give a talk. You also have the good opportunity to listen my Dhamma talk. Donc, les yogis en Belgique sont heureux. Moi aussi, je suis heureux. J'ai eu l'opportunité de donner un enseignement, un Dhamma talk depuis très loin. Il faut aussi remercier les Sayale Vatupanani et Vivekanandi, sans lesquels il n'aurait pas été possible de donner cet enseignement. So, both yogis, ourselves here, are very happy. That's enough for today. All right. sadhu, sadhu, sadhu.